إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. طيب، donc on commence aujourd'hui le cours يعني on a arrêté la dernière fois au cours numéro donc 7. La semaine passée c'était le cours numéro 7, et aujourd'hui c'est le cours numéro 8. Et c'est le dernier cours aujourd'hui. Aujourd'hui c'est le dernier cours. Et c'est-à-dire, quand on dit dernier cours, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on va terminer le livre, Inch'Allah. Comme on a terminé le livre le samedi après le Dhuhr aussi. Donc là, on termine celui-là. Le chapitre qu'on va lire maintenant, c'est un point au sujet de la Shura. Et c'est pour montrer que la Shura, elle n'est pas imposable aux dirigeants. C'est-à-dire que lorsque le dirigeant demande le conseil à la Shura, il fait la consultation ou consulte les responsables qui sont avec lui, et les gens importants ou les gens spécialisés dans un domaine avec lui, eh bien, il peut décider de prendre leur conseil, mais il peut également décider de ne pas suivre leur conseil et de prendre son propre point de vue s'il veut. Et le cheikh, il ramène des preuves de ça dans l'histoire. Donc, dans l'exemple du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et dans l'exemple de Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. Puis il y a beaucoup d'autres exemples aussi, mais bon, ces deux exemples-là sont suffisants. Le cheikh, il dit: إذا تبين مما أسلفنا أن الشورى من صفات المؤمنين التي حث عليها القرآن الكريم بقي أن نعرف هل الشورى ملزمة أم لا. وقبل أن نستعرض تلك المواقف الحازمة التي أشرنا إليها، فإننا نجد في آية آل عمران ما يدل على أن الشورى غير ملزمة، بل يجوز لولي الأمر أن يعرض عن الشورى إعراضا ويبت في الأمر أحيانا متوكلا على الله وحده، إذ يقول الله تعالى مخاطبا رسوله الأمين: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Donc le cheikh, il explique que on a expliqué précédemment que la Shura fait partie des caractéristiques des croyants, que le Coran a incité les croyants à posséder. C'est-à-dire que le Coran a incité les croyants à posséder cette caractéristique. Hein? Et il dit wa baqiya an-na'rif. Donc il reste à savoir une chose: est-ce que la Shura peut être imposée aux dirigeants ou non? Avant de présenter les différentes positions, les différentes situations qui se sont posées à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à l'époque d'Abu Bakr, qu'on va mentionner après, eh bien on veut avant tout mentionner quelque chose par rapport à ce qui est dit dans le verset dans Sourate Al-Imran, le verset 159 dans Sourate Al-Imran. Et ce qui est dit dans ce verset-là, c'est une preuve qui indique que la Shura, elle n'est pas imposable. Et qu'il est permis aux dirigeants, lorsqu'une chose se présente, de se détourner de la Shura, de se détourner complètement de la consultation, parfois, en mettant sa confiance en Allah lui seul, parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit en s'adressant à son messager, sallallahu alayhi wa sallam, l'honnête et le fiable, il lui dit, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. C'est-à-dire, lorsque tu es déterminé à faire quelque chose, alors mets ta confiance en Allah. Allah certes aime ceux qui mettent leur confiance en lui. Et il dit, فَالْآيَةُ صَرِحَ فِي أَنَّ وَلِيَ الْأَمْرِ إِذَا حَصَلَ لَدَيْهِ عَزْمٌ عَلَى تَنْفِيذِ أَمْرٍ وَمَا لِكَوْنِهِ وَاضِحًا لَا غُمُوضَ فِيهِ عَلَى أَمْرٍ مَا يعني على تنفيذ أمر ما لكونه واضحا لا غموض فيه أو كان المقام مقاما يتطلب الحزم والبت لخطورته ولديه قناعة كاملة بأن ذلك في صالح المجتمع الإسلامي فعليه أن يبت في الأمر وحده بحزم وثبات متوكلا على الله معتمدا عليه في نجاح الأسباب دون استشارة بل دون قبول موجبه فلا يقاس عليه غيره ممن لا يوحى إليهم من ولاة الأمور. Donc le cheikh il dit, donc ici, بل دون قبول لقول المستشار لو قدم رأيه ونصحه دون طلب من ولي الأمر. Donc c'est ça. Je vais le relire encore une fois, juste pour parce que j'ai sauté une page là. J'ai lu la suite ici au lieu de lire ici. Donc ça change la signification. Le cheikh il dit donc: فالآية صريحة في أن ولي الأمر إذا حصل لديه عزم على تنفيذ أمر ما لكونه واضحا لا غموض فيه أو كان المقام مقاما يتطلب الحزم والبت لخطورته ولديه قناعة كاملة بأن ذلك في صالح المجتمع الإسلامي فعليه أن يبت في الأمر وحده بحزم وثبات متوكلا على الله ومعتمدا عليه في نجاح الأسباب دون استشارة بل دون قبول لقول المستشار ولو قدم رأيه ونصحه دون طلب من ولي الأمر وعلى هذا تدل المواقف الحازمة الآتية. Donc le cheikh il dit que le verset il est clair sur le fait que le dirigeant lorsqu'il a une position ou une situation et que yani, il est convaincu de ce qu'il veut faire et qu'il veut l'exécuter yani, et que l'affaire elle est claire et que pour lui il n'y a pas d'ambiguïté dedans, alors dans ce cas-là, il a le droit de yani, exécuter cet ordre ou cette chose qu'il veut faire exécuter sans yani, se référer au conseil des consultants ni sans écouter non plus qu'est-ce qu'ils ont donné comme conseil lorsqu'il est dans une situation qui demande de la fermeté et qui demande de sa part une décision ferme étant donné que c'est une situation qui est dangereuse et lui il est complètement convaincu que la position qu'il a c'est pour le bien de la société musulmane et que ça va ramener un bien pour la société musulmane, alors dans ce cas-là, il doit prendre son opinion lui seul, avec fermeté et avec détermination, en mettant sa confiance en Allah et en prenant les causes nécessaires pour avoir le succès dans son projet ou dans sa décision, sans tenir compte des conseils que lui ont donné les consultants. ou ceux qui donnent leur conseil, et sans accepter leur opinion ou leur conseil qu'ils ont donné, parfois sans que ce soit demandé de la part du dirigeant. Et il y a des indications de ça dans plusieurs positions qui se sont passées à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, il dit wa min mawaqif ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam al-mawqif al-awwal min al-mawaqif al-hazima allati tadullu ala anna ash-shura ghayr mulzima mawqif ar-rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fi sulh al-hudaybiyah. Donc il dit, parmi les exemples des exemples du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui montrent que la shura elle n'est pas imposable, il y a l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lors de l'entente qu'il a signée avec les mushrikin lors de Al-Hudaybiyah, celle qu'on appelle l'entente de Al-Hudaybiyah. Il n'a pas pris en compte aucune opinion, hein. Il a pris c'est-à-dire il a pris sa décision puis il est resté ferme même si d'autres personnes lui disaient le contraire, hein. Et le cheikh il donne une citation de l'imam Ibn Kathir ici à ce sujet-là. Il dit يحدثنا الحافظ ابن كثير عن واقعة من مواقعي من وقائعي صلح الحديبية إذ يقول فلما انتهى سهيل بن عمر أي مندوب قريش من المفاوضة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم وأطال الكلام تراجعا ثم جرى بينهما الصلح فلما التأم الأمر ولم يبقى إلا الكتابة وثب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأتى أبا بكر فقال يا أبا بكر أليس هو برسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلى قال أولسنا بالمسلمين قال بلى قال أليس بالمشركين قال بلى قال فعلى ما نعطي الدنية فعلى ما نعطي الدنية في ديننا قال أبو بكر يا عمر إلزم غرزه فإني أشهد أنه رسول الله قال عمر إني أشهد أنه رسول الله ثم أتى عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألست برسول الله قال بلى قال أولسنا بالمسلمين قال بلى قال أوليسوا بالمشركين قال بلى قال فعلى ما نعطي الدنية في ديننا قال أن أنا عبد الله ورسوله ولن أخالفه ولن يضيعني. Donc le cheikh il donne l'exemple que l'imam Ibn Kathir il mentionne ici, et ça c'est une histoire qui nous donne une leçon aussi, qui nous fait comprendre quelque chose de très important, c'est-à-dire que dans toutes les situations il faut se référer toujours à l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et obéir à ses ordres, même si parfois le contraire nous semble meilleur. Même si parfois le contraire nous semble meilleur, il faut mettre de côté notre opinion personnelle et se référer et suivre qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala et son messager ont mentionné ou ont révélé. C'est-à-dire ont ordonné de la révélation. L'imam Ibn Kathir, il dit ici, au sujet d'un événement qui s'était passé lors de l'entente de Al-Hudaybiyah, il a dit, lorsque Suhail ibn Amr a terminé les négociations avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, parce que Suhail ibn Amr, c'était le représentant de Quraysh dans la négociation. Donc il est allé donc pour négocier l'entente avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et il a parlé longtemps, et puis ensuite il y a eu l'entente et il restait juste à écrire maintenant parce qu'ils avaient fini de négocier, donc il restait seulement à écrire l'entente. Et Omar ibn al-Khattab a commencé à il a commencé à avoir une réaction يعني comme si il était pas satisfait de l'entente. Alors il est allé voir Abu Bakr, رضي الله عنه. Puis il lui a demandé, il a dit, n'est-ce pas que c'est le messager d'Allah, عليه الصلاة والسلام. Et Abu Bakr a dit oui. Certes. Alors Omar a dit, ne sommes-nous pas les musulmans? Et Abu Bakr a dit, certes, oui. Et Omar a dit, ne sont-ils pas les mushrikins? Et Abu Bakr a dit, oui, certes, ce sont des mushrikins. Il a dit, alors Omar ibn Khattab a dit, alors dans ce cas-là, pourquoi on a le désavantage dans notre religion? Alors, c'est-à-dire pourquoi dans cette entente qu'on a fait avec Quraysh, c'est nous qui avons le désavantage et c'est nous qui sommes en bas, hein, alors que les mushrikines ont l'avantage dans cette entente-là. Alors Abu Bakr a dit, oh Omar, reste ferme car je témoigne que c'est le messager d'Allah. Alors Omar a dit, moi aussi je témoigne qu'il est le messager d'Allah. Puis Omar est allé voir le messager d'Allah et il lui a posé les mêmes questions que qu'est-ce qu'il a demandé à Abu Bakr, les mêmes questions. Il lui a dit, n'es-tu pas le messager d'Allah? Il a dit, certes. Omar a dit, ne sommes-nous pas les musulmans? Il a dit, certes. Il a dit, ne sont-ils pas les mushrikines? Il a dit, certes. Alors il lui a demandé, alors pourquoi dans ce cas-là on a le désavantage dans notre religion, c'est-à-dire dans cette entente qu'on a pris avec eux, hein? Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, je suis le serviteur d'Allah et son messager et je ne vais pas contredire Allah et il ne va pas m'abandonner, hein? Donc le cheikh il a dit, وأنت تلاحظ معي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفض طلب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي يتضمنه تساؤله الكثير وهو عدم قبول شروط قريش القاسية التي قدمها سهيل بن عمرو مندوب قريش ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل تلك الشروط مع شدتها متوكلا على الله وحده. Donc le cheikh dit, tu vois avec moi que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a refusé la demande de Omar ibn al-Khattab lorsque Omar lui a posé ces questions, ces nombreuses questions qui impliquent que il voulait de la part du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'il n'accepte pas les dures conditions que Quraysh et leurs représentants Amr ibn Suhail ont demandé dans cette entente-là, les dures conditions qu'ils ont mis dans l'entente. Mais le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a quand même accepté les conditions, malgré leur dureté, hein, en mettant sa confiance en Allah seul, et il a exécuté cette entente. Il a exécuté cette entente malgré tout. Un autre exemple. L'exemple, الموقف الثاني من المواقف الحازمة التي تدل على أن الشورى غير ملزمة موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة الفتح حيث لم يعلن الرسول صلى الله عليه وسلم عنها لأصحابه بل أخفى خبرها عنهم جميعا فضلا عن أن يستشيرهم في أمرها ولم يعلم أمر الغزوة يعني وسببه من الصحابة غير أبي بكر الصديق رضي الله عنه لأن الموقف يتطلب الكتمان والتحفظ الشديدين وهذا من خدع الحرب الحرب خدعة. Donc le cheikh il dit que parmi les exemples aussi qui montrent que la shura n'est pas imposable, il y a l'exemple de la situation de ce qui s'est passé lors de la bataille de Al-Fath, la bataille de la conquête de la Mecque. Hein, à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti contre la Mecque et il n'avait il n'avait dit à aucun d'entre ses sahaba où est-ce qu'il allait et qu'est-ce qu'il faisait. Hein? Il n'avait informé personne de ce qu'il avait l'intention de faire comme bataille ou de où est-ce qu'il voulait se diriger. Et encore moins de demander conseil ou de consulter les sahaba sur cette question. Il n'avait informé personne excepté Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. Parce que la question, la situation demandait que les choses soient gardées secrètes et qu'elles soient préservées sévèrement et sérieusement. Et ça fait partie des ruses de la guerre. Ça faisait partie des ruses de la guerre. Donc le cheikh il dit هذا الموقف يدل كالذي قبله على أن الشورى لا يجريها ولي الأمر في جميع الأمور بل عند الحاجة إليها وعندما يكون الموقف عاديا أما عند عدم الحاجة أو عندما يكون الموقف حرجا يتطلب الكتمان أو البت دون استشارة لأحد فعليه أن يتوكل على الله ويبت في الأمر مستعينا بالله وحده. Donc le cheikh il dit que cette situation qui s'est produite et cette position du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous indique et nous prouve que comme l'exemple qu'on a donné avant pour Al-Hudaybiyah, ça nous montre que la Shura c'est pas quelque chose que le dirigeant est obligé d'appliquer dans toutes les affaires, hein? Mais lorsqu'il en a besoin, il l'applique. Mais lorsque la situation, lorsqu'il a besoin, il applique la Shura, il demande le conseil. Lorsque c'est des choses normales ou ordinaires, c'est-à-dire des situations ordinaires, communes. Mais si c'est des situations qui sont très, difficiles ou embarrassantes ou qui nécessitent le secret, ou lorsque c'est des choses qui demandent, qui sont, c'est-à-dire lorsque c'est des choses qui ne demandent pas la shura nécessairement parce qu'on n'en a pas besoin, eh bien dans ce cas-là, c'est la preuve que donc on n'a pas, le dirigeant n'a pas à consulter personne. Il a seulement à mettre sa confiance en Allah et à continuer dans l'affaire qu'il veut faire en demandant à Allah son aide. Ensuite le cheikh il dit وقد يقول قائل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يأتيه وحي خفي فيعمل بموجبه فلا يقاس عليه غيره ممن لا يوحى إليه إليهم من ولاة الأمور وهذا سؤال وارد ولذلك سوف لا نقف عند هذا الموقف النبوي الكريم كثيرا بل ننتقل لننقل بعض تلك المواقف الحازمة التاريخية لأبي بكر الصديق رضي الله عنه فيكون ذلك جوابا للتساؤل وهي من أقوى الأدلة على أن الشورى غير ملزمة فنختار منها موقفين اثنين وفنقتصر عليهما رغبة في الإيجاز. Donc le cheikh il dit donc quelqu'un pourrait dire oui mais ça c'est le messager d'Allah et il reçoit de la révélation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala sur des choses parfois et donc peut-être que il agit selon la révélation dans ces situations là on ne peut donc pas le comparer avec les autres dirigeants qui eux ne reçoivent pas de révélation. Alors le cheikh Mohamed Aman Al-Jami rahimahullah il dit c'est une question qui pourrait être c'est une question ou un point qui pourrait être considéré ici. Et il dit que c'est pour cette raison-là, on ne va pas rester longtemps sur cet exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on a mentionné. On va passer tout de suite à la mention ou à la mention de certains exemples qui se sont produits historiquement à l'époque de Abu Bakr dans le khilafa de Abu Bakr radiallahu anhu. Et ça, ça va être donc une réponse à cette objection ou à cette question que certains pourraient poser par rapport au fait que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui reçoit une révélation, tandis que les autres dirigeants ne reçoivent pas ça. Donc Abu Bakr radiallahu anhu, eh bien, on a dans son histoire beaucoup d'exemples de ça qui prouvent que la shura n'est pas imposable et il ne recevait pas de révélation. Donc ça, c'est des exemples qui vont pouvoir répondre à cette question-là. Il a choisi le cheikh deux exemples à donner et il va se limiter à ces deux exemples-là pour pas trop y prendre de temps. Hein, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres exemples possibles. Donc il dit من مواقف أبي بكر الموقف الأول تنفيذه رضي الله عنه عن جيش أسامة إلى الروم والقصة معروفة لدى طلاب العلم والذي يهمنا منها أن الصحابة طلبوا من أبي بكر تأخير تنفيذ جيش أسامة لخطورة الموقف لأن المدينة أصبحت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في وضع خطير جدا إذ ارتدت بعض قبائل العرب حول المدينة وفي بعض الجهات الأخرى كما منعت بعض القبائل الزكاة يعني فصارت المدينة مهددة من داخل الجزيرة وخارجها فألح الصحابة بطلب تأخير تنفيذ الجيش حتى يتحسن الوضع الأمني الداخلي فأصر أبو بكر رضي الله عنه على التنفيذ واستخدم عبارات تدل على شدة إصرار دون مبالاة بآراء المستشارين من الصحابة بل كان رافضا لها فسمعت منه العبارات التالية. Donc le cheikh il dit que la première exemple de l'histoire de Abu Bakr radiallahu anhu, c'est lorsqu'il a insisté à exécuter l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'envoyer l'armée de Usama vers les Romains. Et cette histoire, elle est bien connue pour les étudiants de sciences islamiques. Ce qui est important pour nous, c'est le fait que les sahaba ont demandé à Abu Bakr, radiallahu anhu, de retarder l'envoi de l'armée de Usama à cause de la situation dangereuse dans laquelle Médine était à l'époque. Puisque après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la ville d'Al-Madina était dans une situation très dangereuse. Puisque plusieurs d'entre les tribus des Arabes autour de Médine avaient apostasié. Et dans certaines régions, autres, il y avait des tribus arabes qui avaient refusé de payer la zakat. Donc Médine était menacée de l'intérieur de la péninsule arabe et de l'extérieur de la péninsule arabe. Et donc les sahabes avaient demandé de retarder l'envoi de l'armée de Usama. C'était une armée que c'était l'armée que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait préparée et qu'il voulait envoyer. Mais étant donné qu'il est mort chez les Romains, c'est ceux qui étaient dans le nord, ceux qui étaient dans la région de Rome, ceux qui avaient la Palestine à l'époque, c'était les Romains. La Palestine, Israël, tout ça, là, tout ce coin-là, c'était les Romains qui avaient ça à l'époque. Et ils étaient donc dans le nord, et c'était l'Empire romain. Donc, non, mais ça faisait longtemps qu'ils étaient quand même dans la région. Ils avaient colonisé la région. Même à l'époque de Isa, alayhi salam, à l'époque de Isa, les Romains étaient là-bas. Donc, ils avaient colonisé la région depuis longtemps. Mais à l'époque de Isa, ils n'étaient pas chrétiens encore. Les Romains, ils n'étaient pas chrétiens ni juifs, ils étaient des idolâtres. Des gens qui adoraient des idoles, qui adoraient des statues, qui adoraient Jupiter, Saturne. En fait, beaucoup des noms de ces divinités-là aujourd'hui sont des noms de la semaine. Hein? Saturday, Saturne. On dit samedi. Et je pense que même lundi, c'est le jour de la lune. Et après mardi, c'est Mars. Et mercredi, c'est Mercure. En tout cas, différents jours, là, c'est des astres qu'ils adoraient. En tout cas, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc, c'est pour dire que les Romains, ils étaient là-bas, puis c'était l'intention du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, d'envoyer une armée pour les combattre. Et étant donné que la situation était difficile à Médine, et que les Arabes commençaient, comme on a dit, à apostasier ou à refuser de payer la zakat, eh bien, ils voulaient retarder l'envoi de l'armée en question, l'armée de Osama. Mais Abu Bakr n'a voulu entendre rien, n'a rien voulu entendre. Il n'a rien voulu entendre. Il a insisté à vouloir envoyer l'armée de Osama. Et il a utilisé des expressions et des paroles très dures, hein, pour montrer à quel point il insistait à l'envoyer, cette armée-là, et pour montrer aussi comment il ne donnait aucune importance aux opinions des autres sahaba qui lui disaient de retarder, et même qu'il les rejetait toutes et qu'il les refusait toutes. Et on a entendu de sa part des expressions très très dures, très très, hein, de fermeté sur cette question. Parmi les citations qui ont été rapportées de Abu Bakr à ce sujet-là, il disait: والذي نفس أبو بكر بيده لو ظننت أن السباع تخطفني لأنفذت جيش أسامة. Ça veut dire, par celui qui tient mon âme en sa main, si je pensais que les bêtes sauvages ou les bêtes féroces allaient venir me déchiqueter ou me mordre de tous les côtés, j'aurais quand même envoyé l'armée de Osama. Hein? Une autre citation qu'il disait aussi: وَلَوْ لَمْ يَبْقَ فِي الْقُرَى غَيْرِي لَأَنْفَذْتُ جَيْشَ أُسَامَ. C'est-à-dire, si dans toutes les villes il ne restait que moi, yani, j'aurais quand même envoyé l'armée de Osama. Et il disait aussi: وَاللَّهِ لَا أَحِلُّ عُقْدَةً عَقَدَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ أَنَّ الطَّيْرَ تَخْطِفُنَا والسباع من حول المدينة. Hein? Donc il disait aussi: par Allah, je jure que je ne vais jamais défaire quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait nié, avait noué. Je ne vais jamais défaire quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait noué. En voulant dire qu'il avait déjà pris cette décision-là et qu'il allait l'envoyer. Eh bien, je ne vais pas le défaire, moi, puisque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a noué. Et il a dit: même si les oiseaux, hein, les oiseaux et les bêtes sauvages autour de Médine viennent pour nous manger et nous dévorer, ça ne me dérange pas. Et une des plus dures expressions qu'il a mentionnées, il a dit: من أصعب العبارات قوله ولو أن الكلاب جرت بأرجل أمهات المؤمنين لأنفذت جيش أسامة. Et ça, c'est une des expressions les plus dures qu'il a employées à ce sujet-là. Il a dit: même si les chiens tiraient les jambes des mères des croyants, j'aurais envoyé l'armée de Osama quand même. Donc ça, c'est pour dire, yani, à quel point Abu Bakr était déterminé à envoyer cette armée-là, malgré les conseils des gens qui lui disaient de ne pas l'envoyer. Et ça, le cheikh dit: فَبِهَذِهِ الْعِبَارَاتِ الْحَارَةِ دَلَّ أَبُو بَكْرَ عَلَى رَفْدِهِ لِآرَاءِ الْمُسْتَشَارِينَ وَإِصْرَارِهِ عَلَى الْبَتْ فِي الْأَمْرِ الَّذِي عزم عليه متأولا قوله تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله. فدلالة هذا الموقف الشجاع الحازم بن أبي بكر الصديق على أن الشورى غير ملزمة فأمر لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح حوله كبشان كما يقولون. Donc le cheikh il dit, il dit qu'avec ces expressions qui ont été des expressions très chaudes que Abu Bakr a utilisé pour exprimer son refus des opinions de ceux qui lui ont donné le conseil de ne pas l'envoyer cette armée, et la détermination et la persistance qu'il a eue dans sa position de vouloir l'envoyer cette armée en se basant sur le verset dans sourate Al-Imran qu'on a lu au début, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, dans le verset dans sourate dans Al-Imran 159, Al-Imran 159. Donc ça c'est la preuve que la Shura elle n'est pas imposable aux dirigeants. Et c'est pas comme la démocratie là, que quand l'assemblée décide quelque chose, le dirigeant il est obligé de prendre l'opinion de l'assemblée ou des choses comme ça. Sinon ça bloque tout exactement. Et des fois, on ne sait pas qu'est-ce qui peut motiver les opinions de certains. Donc c'est pour ça, Exactement, subhanallah. C'est comme le frère, l'autre jour, il disait que certains ministres ou députés, je ne sais pas quoi, ministres, ils ont voté pour se donner une augmentation. Là, il n'y a personne qui allait dire non, on ne veut pas. Parce qu'ils sont tous d'accord pour avoir un plus gros salaire. Mais quand c'est des hommes qui décident les lois, eh bien, ils peuvent toujours décider des lois qui vont aller dans leur faveur, dans leur intérêt. Donc, ces expressions-là, il dit le cheikh que ça, c'est des indications courageuses, de la position courageuse que Abu Bakr, radiallahu anhu, a pris, qui montre que la Shura n'est pas imposable. Et c'est une chose dans laquelle il n'y a pas deux personnes qui divergent. Donc il mentionne ce sujet-là. Après il dit فَنَفَذَ أَبُو بَكْرٍ جَيْشَ أُسَامَةٍ وَالصَّحَابَ غَيْرُ مُوَافِقِينَ عَلَى ذَلِكَ لَكِنَّ اللَّهَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ لَكِنَّ اللَّهَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ جَعَلَ فِي تَنْفِيذِ ذَلِكَ الْجَيْشِ خَيْرًا وَبَرَكَةً لِلْأُمَّةِ إذ تذكر بعض الروايات القصة أنه ما مر جيش أسامة بعدده الكبير بحي من أحياء العرب إلا أدخل الله فيهم الرعب فجعلوا يقولون إن القوم الذي خرج من عندهم هذا الجيش لقوم لهم منعة قوم لهم منعة فإذن فلننتظر حتى يرجع هذا الجيش من بلاد الروم. وقد أثر خروج جيش أسامة كما ترى في عزائم الذين كانوا يعتزمون الهجوم على المدينة وثنى عزائمهم. وهذا خلاف ما كان يتوقعه الصحابة الذين كانوا يراجعون أبا بكر في أمر خروج الجيش ولله في خلقه شؤون. فرجع الجيش العظيم من بلاد الروم منتصرا ومظفرا. فرجوع الجيش منتصرا قد أدخل الرعب مرة أخرى على أولئك الذين كانت تحدثهم أنفسهم بالهجوم على المدينة من المرتدين ومن مانع الزكاة. Donc le cheikh il a expliqué ensuite que Abu Bakr il a envoyé l'armée de Osama et les sahabes n'étaient pas d'accord, mais il l'a envoyé quand même. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, le sage, l'omniscient et le sage, a fait qu'il y ait dans l'envoi de l'armée de Usama un grand bien et une grande bénédiction pour la Ummah. Pourquoi? Il dit parce qu'il y a certaines narrations de l'histoire qui mentionnent que chaque fois que l'armée de Usama passait à proximité des régions des Arabes et des tribus, l'armée de Usama était immense, était grande. Et l'armée de Usama passait par les régions où il y avait les Arabes qui avaient apostasié ou qui avaient refusé de payer la zakat. Et quand les Arabes voyaient cette armée-là s'en aller vers les Romains pour combattre les Romains, ils disaient, ça a fait rentrer la peur dans le cœur des Arabes quand ils ont vu cette armée-là. Et ils ont dit, un peuple qui fait sortir une armée comme ça, c'est un peuple qui a une force. Hein? C'est-à-dire les gens qui ont fait partir une armée grande comme ça, ça veut dire qu'ils ont une force. Hein? Et donc dans ce cas-là, ils ont dit, donc on va attendre que cette armée revienne de Rome avant de les combattre. Ça veut dire qu'ils ont vu l'armée, ils ont eu peur. Et après il dit, et ça a eu un effet, donc c'est ça l'effet de l'armée de Usama, hein? Ça a eu un effet sur les Arabes qui avaient l'intention d'attaquer Médine, et ça les a fait repousser leur envie de vouloir attaquer Médine. Contrairement à ce que pensaient certains sahabas à l'époque, qui s'imaginaient que ça allait pas être une bonne chose, et qui venaient voir Abu Bakr pour lui demander de ne pas faire partir l'armée de Usama. Donc l'armée de Usama est revenue de Rome victorieuse, et avec la victoire, et cette victoire qu'ils ont eue contre les Romains a fait rentrer une autre crainte, une autre peur chez les Arabes encore, parce qu'ils ont dit, bon, ça c'est une grosse armée, ils ont eu peur de ça. Mais là l'armée est partie, l'armée est revenue avec la victoire, donc ils ont dit, ah bon, là ça y est, ils sont vraiment forts, on peut rien faire, et donc à cause de ça, ils ont complètement laissé de côté l'idée d'attaquer Médine. Et donc ceux qui avaient apostasié ou qui avaient refusé de payer la zakat, ils n'ont pas pu attaquer Médine à cause de ça. Et donc ça montre que Abu Bakr radiyallahu anhu, il n'a pas écouté le conseil de la Shura, mais ça a été quand même une bonne chose, Et il dit, وَقَدْ صَدَقَ أَبُو بَكْرٍ رَبَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِنْ شَاءَ اللَّهُ فِي تَقْوَاهُ وَتَوَكُّلِهِ عَلَيْهِ وَفِي مَحَبَّةِ اللَّهِ وَمَحَبَّةِ رَسُولِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَتَعْظِيمِ الْعَقِيدَةِ أَوْ تَعْظِيمِ الْعُقْدَةِ الَّتِي عَقَدَهَا لِحِبِّهِ أُسَامَةُ فَصَدَّقَهُ اللَّهُ وَنَصَرَهُ وَرَفَعَ مِنْ شَأْنِهِ وجعل له قبولا بين عباده وهيبة في قلوب أعدائه إذ يقول الله تعالى من يتق الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, à cause du fait que Abu Bakr As-Siddiq a été sincère avec son Seigneur, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné cette victoire. Et il dit, à cause de sa piété et la confiance qu'il avait en Allah et de son amour pour Allah et son amour pour le messager sallallahu alayhi wa sallam, et le respect qu'il avait pour ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait contracté envers son bien-aimé, c'est-à-dire à Usama, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait beaucoup Usama ibn Zayd, il l'aimait beaucoup et il était jeune, il l'a mis à la tête de son armée, donc il a dit à cause de tout ça, alors Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la victoire, il l'a élevé, hein, il lui a donné l'acceptation parmi ses serviteurs, et il a mis dans le cœur de ses ennemis le respect et la crainte. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset, dans Surat al-Talaq, le verset 2 et 3, celui qui craint Allah, Allah lui donne une issue et il lui donne sa subsistance de là où il ne s'y attendait même pas. Et quiconque met sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Et Allah va faire parvenir son ordre. Et Allah a certes إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Allah subhanahu wa ta'ala a donné à chaque chose sa juste mesure. Et il mentionne la deuxième position de l'exemple de Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu, lorsque Abu Bakr a insisté de combattre les apostats et ceux qui refusaient de payer la zakat. Ça aussi, c'est un autre exemple de Abu Bakr, qu'il n'a pas pris conseil de personne. Il est allé dans son point de vue à lui, selon les preuves qu'il avait du Coran et de la Sunna, il était déterminé. Hein? Le Cheikh, il dit, « Amma al-mawqif al-thani min mawqifi Abi Bakr al-Siddiq radiallahu anhu, فهو إصراره رضي الله عنه على قتال أهل الردة ومانع الزكاة وعدم التفاته إلى مشورة الصحابة. Donc il dit, c'est ça, il a insisté à combattre les gens qui ont refusé la zakat ou qui ont apostasié, et c'est pas tourné vers le conseil des sahaba. Il dit, وذلك مما يدل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذ يقول لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلف أبو بكر بعده كفر من كفر من العرب وقال عمر لأبي بكر حينما هم أبو بكر بقتالهم كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله فمن قالها عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. Donc le cheikh il dit que ça c'est prouvé par le hadith qui est rapporté selon Abi Huraira, lorsqu'il dit que lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est mort, c'est Abu Bakr radiallahu anhu qui l'a succédé après lui. Et ceux parmi les Arabes qui ont rejeté la foi ont rejeté la foi. Et Omar ibn al-Khattab a dit à Abu Bakr, lorsque Abu Bakr avait décidé de les combattre, ceux qui avaient apostasié, Omar a dit à Abu Bakr, comment peux-tu combattre des gens que le messager d'Allah, alors que le messager d'Allah a dit, j'ai été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha illallah. Alors celui d'entre eux qui le dit, il est protégé contre moi dans ses biens, dans sa personne, dans ses biens et dans sa personne, excepté pour un de ses droits, et son jugement sera à Allah. Alors Abu Bakr a dit, par Allah, je vais combattre celui qui distingue entre la salat et la zakat. Parce que la zakat, c'est le droit de l'argent. Et par Allah, si il me refuse ou il refuse de me donner une corde qu'il donnait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il donnait une corde pour attacher les chameaux ou quoi, il le donnait au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, s'il refuse de me le donner aujourd'hui, je vais les combattre pour avoir refusé de me le donner. Et Omar a dit, par Allah, quand j'ai vu que yani, Omar ibn al-Khattab était déterminé à les combattre, c'est ça, il dit, par Allah, j'ai vu que quand Abu Bakr était déterminé à les combattre, j'ai su hein, que c'était Allah subhanahu wa ta'ala, hein, que c'était nul autre que Allah subhanahu wa ta'ala qui avait ouvert sa poitrine ou son cœur à combattre ces gens-là. Et j'ai donc su que c'était la vérité. Hein? Donc, c'est pour dire comment Abu Bakr était déterminé à ça. Et après, il a dit, ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim aussi, et il dit, وَلَمْ يُعْلِنْ أَبُو بَكْرَ هذا الموقف الحازم الذي أكده بالقسم بالله تعالى إلا بعد أن استشارهم إذ جمع رضي الله عنه المهاجرين والأنصار وقال لهم إن هذه العرب قد منعوا شاتهم وبعيرهم ورجعوا عن دينهم وإن هذه العجم يعني الروم قد تواعدوا ليجمعوا لقتالهم لقتالكم وزعموا أن هذا الرجل الذي كنتم تنتصرون به قد مات صلى الله عليه وسلم فأشيروا علي فما أنا إلا رجل منكم وإني أثقلكم حملا لهذه البلية فأترقوا طويلا ثم تكلم عمر بن الخطاب فقال أرى والله يا خليفة رسول الله أن تقبل من العرب الصلاة وتضع عنهم الزكاة أو تضع لهم الزكاة فإنهم حديث عهد بالجاهلية ولم يعدهم الإسلام فإما أن يردهم الله إلى خير وإما أن يعز الله الإسلام أو أن يعز الله الإسلام فتقوى على قتالهم فما لبقية المهاجرين والأنصار يدان للعرب والعجم قاطبة فالتفت إلى عثمان رضي الله عنه فقال مثل ذلك وقال علي مثل ذلك وتابعهم المهاجرون ثم التفت إلى الأنصار فتابعوهم سبحان الله وأنتم تلاحظون ها؟ تلاحظون يعني معي أن عمر بن الخطاب تكلم بكلام مليء بالمعاني العظيمة والسياسة الحكيمة وتابعه في ذلك الخليفتان عثمان وعلي ثم تابعهم المهاجرون والأنصار ولكن الله شرح صدر أبي بكر للقتال وجعل في ذلك خيرا وبركة كما أسلفنا وهكذا تتعانق القصتان قصة إنفاذ جيش أسامة وقصة قتال مانعي الزكاة والمرتدين ولله الحمد والمنة فتنتجان نتيجة واحدة كما رأيت وهي النصر والثبات مع سلامة المدينة النبوية من أي سوء. Donc le cheikh il explique que Abu Bakr radiallahu anhu n'a pas pris cette position de fermeté hein, qu'il a confirmée par un serment qu'il a fait par Allah, excepté après avoir consulté les sahab à ce sujet-là. Il avait réuni tous les muhajirines et les ansar avant de prendre sa décision. Et il leur a dit, les arabes ont refusé leur moutons et leurs chameaux et ils sont revenus de leur religion. Les non-arabes, c'est-à-dire les romains, ils se sont promis de se réunir pour vous combattre et ils ont cru ou ils ont pensé que cet homme que vous défendiez hein, ou par lequel vous aviez la victoire, il est mort. Donc en voulant dire maintenant ça y est, c'est fini, maintenant vous n'allez plus pouvoir continuer cette da'wah, alors il a dit, donnez-moi votre, Abu Bakr a dit, donnez-moi vos conseils, parce que je ne suis qu'un homme parmi vous, et je suis celui qui a le plus lourd de la responsabilité devant ce malheur. Hein? Alors, Omar ibn al-Khattab, il a parlé à ce moment-là. Il a dit, je vois mon point de vue au Khalifa du messager d'Allah, par Allah, que tu devrais accepter la salat des Arabes et laisser la zakat pour le moment, puisque c'est des gens qui sont nouveaux dans l'islam, ils viennent de quitter la jahiliya et ils n'ont pas encore bien connu l'islam, soit que Allah subhanahu wa ta'ala va les ramener vers le bien, ou bien que Allah va donner la force à l'islam et donc tu seras capable de les combattre. Et il a demandé ensuite aux muhajirin et aux ansar, après qu'est-ce qu'il pensait, il a demandé à Uthman, il a dit la même chose que Omar, il a demandé à Ali, il a dit la même chose que Omar, il a demandé aux muhajirin et aux ansar, ils ont dit la même chose. Et après Abu Bakr, il a mis de côté toute leur opinion et il a décidé de les combattre. Donc c'est pour dire que le dirigeant peut demander le conseil, peut prendre la shura, mais il n'est pas obligé d'être d'accord ou de suivre leur conseil. Il peut lui-même par la suite décider de faire ce qu'il pense être le mieux et mettre sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il dit wa antum tulahizun, donc vous voyez avec moi que Omar ibn al-Khattab, il n'a pas dit n'importe quoi, il a dit des paroles avec plein de sens et plein de sagesse, hein, plein de sens et plein de sagesse. Et il a été suivi par deux khalifas par la suite, Othman et Ali, radiallahu anhum, et ensuite par les muhajirin et par les ansar. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a ouvert le cœur d'Abu Bakr pour le combat. Et il a mis en cela un grand bien, une grande baraka, comme on sait qu'est-ce qui s'est passé par la suite. Il dit, wahakaza. Donc, c'est ainsi que les deux histoires qu'on a mentionnées, l'histoire de l'envoi de l'armée de Osama et l'histoire de la situation de ceux qui refusaient de payer la zakat ou qui avaient apostasié, se réunissent et on connaît le résultat des deux, c'est que par la suite ils ont eu la victoire et la fermeté et la ville de Médine a été épargnée de tout mal, hein, par la suite. Donc le cheikh dit wal khulasa والذي نريد أن نصل إليه في آخر حديثنا من ذكر هذه المواقف الحازمة أن لولي الأمر أن يأخذ بالشورى وله أن لا يأخذها حسب مقتضيات الأحوال واختلاف المواقف في الحرب والسلم. وهكذا يثبت لدينا دون أدنى تردد أن الشورى غير ملزمة. وبالله التوفيق والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. Donc le cheikh il dit, pour résumer, il dit on est arrivé à la fin de ce qu'on voulait dire dans notre parole en mentionnant ces positions là et c'est pour expliquer que le wali, le dirigeant, waliul amr, il a le choix de prendre la consultation ou de ne pas la prendre, selon ce qui est impliqué par la situation et selon les différentes situations qui se produisent, que ce soit dans la guerre ou dans la paix. Et c'est ainsi qu'on peut donc confirmer que, et sans aucune hésitation, que la shura n'est pas imposable. Et c'est avec Allah subhanahu wa ta'ala que vient le succès, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui sait mieux. Et paix et salut et bénédiction sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et sur ses fidèles et sur sa famille. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.